Pâquerette, pâquerette à côté de moi, juste poussée dans l'herbe, pas très loin de toi. Les rayons du soleil, traversent le bois, regarde le bleu ciel, tableau, plus qu'en faire des lambeaux. C'est à ta veille au creux de ses pétales. C'est dommage qu'elle soit morte pour avoir ce moment. C'est dommage qu'elle ait tué pour avoir autorité un instant. C'est pour tout pareil. Un point levé, c'est pour tout, tout pareil. Tout est pour gagner. C'est pour tout, tout pareil. Comment j'ai chaud. Elle m'avait dit, juste avant ces quelques mots, inutiles mais torrides, avec une voix si douce qui m'avait fait pleurer. Tu sais combien de fois de perdre chaque doigt. Pour un moment, enfin vivre ou mourir, mais ne plus rester dans le néant. Avoir le reste qui défile sans pouvoir rien y faire. De tous les temps à la dérive, de passer vers le présent, que des petits bouts de joie sur tout le long de la distance, mais des grands coups de larmes pour la peine. De voir la matière disparaître, celle qu'on a aimée pour longtemps, à ne penser à rien pour le futur, qui n'est qu'un gouffre de peine et de plainte, à savoir qui de nous sera le plus habile, à se masquer pour ne plus voir ce que l'autre pourrait dévoiler, vivre ou mourir, pour finir. Serait certainement mieux que rien, serait certainement mieux que rien. Ah.